L'actualité à Nancy et ailleurs. Découverte d'une association, l'association PC Solidaire, en compagnie d'Eric Muchler. Bonjour. Bonjour. Délégué général de cette association PC Solidaire qui est née en 2019. Juste avant la période du Covid, comment c'est né ? En 2019, PC Solidaire est à ce moment-là un programme qui est porté par une autre association qui s'appelle Écomédians, mais c'est pas le sujet. PC Solidaire devient véritablement une association à part entière en décembre 2021. Donc pendant 2 ans, c'était le titre d'un programme. En réalité, vous l'avez dit, le Covid ou la Covid fait découvrir, notamment à Metz, mais c'est valable sur tout le territoire national, eh bien qu'il y a énormément d'enfants qui n'ont pas d'ordinateur. Lorsque le président de la République dit « Eh bien, demain, les enfants, vous allez faire école à la maison », rien qu'à Metz, il y a 3000 enfants, 3000 gamins qui lèvent le doigt, disant « Mais monsieur, moi, j'ai pas d'ordinateur, je fais comment ?» Donc la ville prend conscience de ça, contacte justement l'association Écomédians et nous demande « Ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi ?» Alors il se trouve que nous avions déjà réfléchi, donc c'est un petit peu un concours de circonstances. Toujours est-il que la ville verse à ce moment-là une subvention pour équiper 100 familles d'ordinateurs reconditionnés. Alors les ordinateurs reconditionnés, c'est quoi ? C'est des ordinateurs que nous récupérons auprès des entreprises, des collectivités, qui allaient les jeter. On jette en France 3 millions d'ordinateurs par an. 80% de ces machines sont en parfait état de marche. Elles sont reconditionnées, donc ça veut dire que les nettoyées, bien sûr, dépoussiérées et les pièces défectueuses sont remplacées par des pièces neuves. Et ce matériel est ensuite installé auprès de 100 bénéficiaires, alors à l'époque identifiés par le Centre communal d'action sociale, qui dit, ben voilà, dans tel et tel quartier, il y a des personnes en difficulté. Et la démarche de PC Solidaire devient alors favoriser l'inclusion numérique par la réduction des déchets informatiques. Donc c'est cette situation sanitaire qui a servi d'accélérateur en fait au développement de ce programme. Absolument. En fait, en réalité, alors on le sait depuis longtemps, mais la situation sanitaire a véritablement mis sous les yeux des élus, des responsables politiques, une situation dramatique, non seulement dramatique, mais en plus un peu absurde, où d'un côté, encore une fois, on jette 3 millions d'ordinateurs. Et c'est à peu près le nombre de gens qui n'ont pas d'ordinateur. Et là, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc, ça a commencé avec ce programme. Une centaine de familles bénéficiaires donc de l'apport de ces ordinateurs reconditionnés. Et voilà, après, il y a eu cette création d'association en fin 2021. Donc, comment s'est fait un peu le déroulement pour aller jusqu'à cette création ? C'est vrai que PC Solidaire est pour l'instant installé en Moselle, né à Metz, et c'est une adjointe au maire, une conseillère municipale, une adjointe au maire en charge du numérique, Jacqueline Schneider, qui a entendu parler de traction, mais a dit ce que vous faites, c'est formidable, et on est très heureux, et qui nous dit, bah, écoutez, moi je vais vous accompagner. Donc, première étape, mise à disposition d'un atelier pour pouvoir reconditionner, recevoir le matériel, qu'on a été très vite à l'étroit, et donc aujourd'hui, un second atelier, alors pas un deuxième, mais c'est la suite du premier, un déménagement, oui. 320 mètres carrés, on est déjà à nouveau un peu à l'étroit, mais au moins on a de quoi travailler. Alors là encore, une reconduction des programmes d'équipement, et puis alors un accompagnement aussi auprès des autres collectivités, on est soutenu par la région pour l'équipement de matériel qui nous permet de faire le conditionnement, le département de Moselle, la fondation territoriale Metz, Mécène Solidaire, j'espère ne pas en oublié. Et puis alors on a également beaucoup de plus en plus d'entreprises, de collectivités, notamment une signature avec l'université, avec la faculté des sciences de Metz qui va nous attribuer tout son matériel. Donc l'écosystème, la démarche se met en place. Ça c'est la partie favoriser l'inclusion numérique par le soutien direct des collectivités, mais on a un autre modèle, voire deux autres modèles qui nous permettent d'atteindre notre objectif. C'est d'une part le fait que tout un chacun, vous, vos collègues ici à la radio, mais voilà, les entreprises, les collectivités peuvent acheter du matériel sur la boutique pcsolidaire.fr. Qui s'est ouvert cette année. Hein. Absolument. Et donc là, c'est du matériel qui est reconditionné, mis en vente au prix public de la concurrence. Hein. Mm-hmm. Sauf que nous faisons encore mieux, puisque pour chaque ordinateur acheté, pcsolidaire.fr, dans notre boutique, nous offrons un ordinateur à une famille dans le besoin. Nous, on vend nos ordinateurs pour pouvoir répondre à notre objet social. Et autrement dit, si vous achetez un ordinateur, et lorsque vous achetez un ordinateur, pcsolidaire.fr, En réalité, vous financez gratuitement l'équipement de personnes en situation de rupture numérique. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas accès au digital comme d'autres n'ont pas accès à l'eau. Alors que, alors je dis pas que c'est tout aussi important, mais pensez bien qu'aujourd'hui, sans ordinateur, on n'a plus accès à rien, quoi, hein, aussi bien les collégiens que les familles. Donc ça, c'est le deuxième levier d'action, au-delà de l'action des pouvoirs publics, où là, pour les pouvoirs publics, on remplit quand même une mission d'intérêt général. Deuxième axe, acheter pcsolidaire.fr et vous financez gratuitement l'équipement de familles dans le besoin. Dernier axe, lilo.org. Nous avons passé un partenariat moteur de recherche, c'est ça, éthique et solidaire. Et là aussi, au lieu d'utiliser un moteur de recherche qui commence par un G qui termine par un E, en utilisant lilo.org, ça s'installe en trois clics, voire deux. Eh bien, ça génère des gouttes d'eau qui, elles, sont à ce moment-là, que vous pouvez attribuer au projet pcsolidaire.fr. Et là encore, vous financez gratuitement l'action en faveur de l'inclusion numérique par la réduction des déchets informatiques. Voilà, donc la création de cette association PC Solidaire, et on le voit qui répond vraiment aujourd'hui à une demande, à un besoin de la population. Alors, à la fois en termes d'aberration de jeter du matériel qui est en état de fonctionnement, en fait, en termes de besoin aussi d'équipement, parce qu'il vaut mieux acheter du haut de gamme au prix de l'occasion que du bas de gamme neuf. Et puis, évidemment, le besoin pour équiper les familles qui sont en situation de rupture numérique. Donc, vous avez déjà créé de nombreux partenariats, vous les avez cités. Vous avez aujourd'hui, même si l'association est encore récente, des envies d'agrandir encore votre zone géographique. Là, vous êtes en Moselle essentiellement aujourd'hui. Alors, tout à fait. Le projet, c'est effectivement de grandir. Alors là aussi, l'objectif, c'est, il n'y a aucune dimension mercantile, mais c'est rendre service, se déployer sur tout le territoire national. On a déjà des contacts avec la Meurthe-et-Moselle, mais aussi les Ardennes. Et lorsque le modèle sera véritablement stabilisé en Moselle, ça va aller relativement vite ensuite pour se déployer sur tout le territoire. Mais on peut déjà aujourd'hui acheter du matériel PC solidaire ailleurs en France, même au-delà de la Moselle, par exemple en Meurthe-et-Moselle, en allant sur la boutique pcsolidaire.fr. Est-ce que vous avez aussi des idées de développement vers plutôt des ateliers, vers de l'auto-réparation, proposer ce genre de choses? Alors tout à fait, on a déjà lancé d'ailleurs des premiers ateliers numériques. Alors une précision quand même importante, certes nous avons un statut associatif, mais nous ne fonctionnons pas sur la base du bénévolat. Pour une raison très simple, c'est qu'il nous paraît absurde et économiquement pas juste de confier par exemple le recyclage ou le reconditionnement à des bénévoles alors qu'on est dans un modèle qui finalement vit à travers ce système-là. On importe du matériel informatique, il y a toute une chaîne économique qui s'enrichit tout au long. Et puis alors, on ne sait pas pourquoi, on serait dans une espèce d'économie de la pauvreté où bien, ce qui est jeté doit être réparé par des bénévoles. Il faut arrêter ce modèle, il faut casser ce modèle et faire rentrer le recyclage et le reconditionnement dans la boucle complète pour parler d'économie circulaire. Alors comment vous aider aujourd'hui ? Deux choses essentielles, si vous êtes un particulier, trois choses. Nous ramener votre matériel au lieu de jeter à la déchetterie. Pour ça, rendez-vous sur pcsolidaire.fr. Acheter votre équipement informatique plutôt haut de gamme, alors pas forcément d'ailleurs, mais en tout cas sur notre boutique.fr, parce que pour chaque ordinateur acheté, nous en offrons un à une famille dans le besoin. Et troisième solution, utiliser lilo.org pour votre moteur de recherche. Et si vous êtes un élu ou un chef d'entreprise, évidemment, nous soutenir par des subventions ou par du mécénat. Merci beaucoup Eric Mechler, le message est passé. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.